Programme d'assassinat dévoilé. Sazek désamorce le piège des textes originaux devant la chaîne Dreisatz. Malgré 100 attaques frontales des grands médias rien que de janvier à octobre, Ivo Sazek répond sans amertume aux questions explosives de Dreisatz Kulturzeit et révèle ainsi une bombe à retardement qui fait tic-tac depuis 2000 ans, prête à l'emploi pour le jour où l'humanité voudra arriver à maturité. Que celui qui se soucie de la paix et de la liberté répande cette vérité. Un bain de sang qui a été jusqu'à présent déclaré inéluctable peut et doit être empêché. Hello, Herr Riha. Bonjour, Monsieur Riha. Je réponds ainsi à votre requête du 2 octobre 2020 avec votre demande d'interview pour Kulturzeit, Dreisatz. J'ai d'abord une remarque préliminaire. Vous m'approchez vraiment avec courtoisie, avec une promesse d'équité et un cœur ouvert. C'est un changement agréable après plus de 100 attaques médiatiques contre moi rien que cette année. Si vous faites vraiment ce que vous dites, vous êtes l'exception louable. S'il ne nous est toujours pas possible de nous rencontrer maintenant, cela n'a rien à voir avec la déception générale que j'ai à l'égard de la presse grand public. Déception que vous avez constatée. Je suis tout simplement débordé par mes nombreuses tâches en termes de temps et d'énergie. Je suis sûr que vous pouvez comprendre cela. Mais parce que je vous fais confiance, je vais par ce biais répondre à vos questions afin que vous puissiez mettre cela dans votre émission sans le modifier. En ce qui concerne vos questions sur la fraude mondiale du coronavirus, je n'ai pas besoin de répéter ce que toutes sortes de professeurs de médecine, de microbiologie, etc., de haut niveau, et surtout des sommités de la virologie, etc., ont déjà dit sur CLA TV. J'insiste expressément sur une publication mondiale de ces contre-voix expertes. Je ne me laisserai pas instrumentaliser de sorte que mes propres affirmations soient utilisées pour ouvrir une discussion annexe et ainsi détourner l'attention de la véritable demande urgente de ces personnalités et de leurs affirmations. Le fait que les églises officielles que vous mentionnez représentent essentiellement la ligne du gouvernement, cela est bien sûr tout aussi logique et clair que, par exemple, le fait que les pasteurs et les prêtres sont persécutés lorsqu'ils apparaissent en une manifestation ou quelque part sur Internet. En fait, toute personne sans exception est traitée exactement de la même manière. Dès qu'elle exprime le moindre doute ou mécontentement à l'égard de la politique du coronavirus telle qu'elle est menée actuellement. Quiconque nie encore, par rapport à ce développement, que notre démocratie et notre liberté d'expression ont été victimes d'une dictature sectaire radicale, ne fait que répandre des rêves aveugles. Vous me demandez où je vois le rôle de la chrétienté dans ce scénario mondial. Vous savez, on ne peut pas répondre de manière satisfaisante à une telle question, ni dans une longue conversation, et encore moins, bien sûr, dans une courte interview. Mais j'ai donné des réponses détaillées à cette question dans mon discours en trois parties sur CLA TV, l'aube du Nouveau Monde. Seulement en allemand. Si vous n'avez pas assez de temps pour regarder les trois parties, regardez au moins la partie 1. Vous aurez alors une idée approximative de ce dont je parle. Cependant, nous nous trouvons par rapport à ces questions entre deux mondes si éloignés l'un de l'autre qu'on ne pourrait pas être plus éloigné. On peut aussi appeler ces deux mondes la théorie et la pratique. Ce que la chrétienté devrait faire et ce qu'elle fait réellement n'a donc presque rien à voir. Ce qu'elle devrait faire, malheureusement, s'enfonce systématiquement depuis 2000 ans dans une mer d'erreurs, d'hérésies et d'incompréhensions. J'ai écrit une trentaine de livres sur le sujet et donné environ 2000 conférences. Donc, même cela ne peut pas être simplement résumé sans difficulté dans une interview. Une chose cependant me semble favoriser cette situation mondiale explosive. J'aimerais dire quelques mots à ce sujet. Je pense que la chrétienté perdue a reçu à travers cette crise une véritable nouvelle chance de se relever de sa mort et de comprendre ou de percevoir enfin l'organisme divin parmi tous les peuples de cette terre. Je pense que cette nouvelle ère a le potentiel de dissoudre des nœuds millénaires de division et d'orthodoxie impitoyable et d'éveiller l'unité de cœur de tous les peuples. Mais non seulement tout christianisme dégénéré devra enfin mourir, mais aussi toute autre religion dégénérée qui s'est figée dans la mort spirituelle. Mais tous les systèmes politiques, économiques, éducatifs et autres qui existaient auparavant sont actuellement en train de subir un revirement historique ontique. Ontique signifie indépendant des êtres humains, surnaturel, généré selon la création. Toutes les tensions actuelles sont donc condensées en une question effrayante. Et c'est celle-ci. Ce revirement surnaturel entrera-t-il dans l'histoire comme la victoire de la sagesse et de l'amour non violent, ou une autre épopée sanglante en découlera-t-elle? Il faut comprendre comment on en arrive à cette épopée sanglante. Je vais maintenant, dans ma dernière partie, entrer dans le détail. Non seulement les chrétiens, mais aussi tous les êtres humains critiques et épris de liberté ont été préparés depuis 2000 ans par des passages falsifiés de la Bible à vivre en ces temps leur inévitable martyr. Qu'est-ce que le martyr? C'est une effusion de sang. Si ce que je vais dire et déclarer n'est pas empêché, il y aura du sang versé contre la chrétienté, contre les gens épris de liberté. Je suis presque sûr que vous connaissez la signification du chiffre 666, 666. Jusqu'à présent, cela signifiait une mort certaine pour tous ceux qui ne voulaient pas s'incliner devant la dictature mondiale de l'industrie pharmaceutique prophétisée. C'est ce qui est dit dans les textes originaux de la Bible. Pour tous ceux qui ne connaissent pas la Bible, je vais donc une fois de plus donner la signification des images d'Apocalypse 13 et souligner brièvement les falsifications mortelles qu'elles contiennent. Les versets 16 à 18 décrivent comment une dictature pharmaceutique mondiale sans scrupules émerge soudainement de la mer des nations, faisant violence à chacun afin qu'il accepte sur la main ou le front une marque implantée dans la peau. Littéralement, karagma, du plus petit au plus grand, du plus pauvre au plus riche, de l'homme libre à l'homme de main. Parallèlement, plus personne n'est autorisé à rester ou à négocier dans les lieux publics. C'est ce qui est écrit littéralement dans le texte original depuis 2000 ans. Seuls pourront alors acheter et vendre ceux qui accepteront implanter dans leurs mains la marque d'identification de la dictature pharmaceutique mondiale. Tous les insoumis, par contre, et maintenant, écoutez bien, tous les insoumis seront sanctionnés, exclus et devront finalement souffrir le martyr jusqu'à la mort. Et tout cela a été faussement traduit à l'indicatif. Qu'est-ce que cela signifie? L'indicatif signifie la forme de la réalité. C'est pourquoi cette prophétie a dit jusqu'à présent qu'il n'y a pas d'échappatoire, car tout doit inévitablement se produire ainsi. Donc cela signifie qu'un bain de sang doit avoir lieu. Mais c'est là que réside la falsification paralysante. En vérité, ce projet de l'industrie pharmaceutique n'est pas écrit à l'indicatif, mais au volitif, c'est-à-dire sous la forme d'un simple souhait ou d'une possibilité. Ainsi, le pouvoir tout entier ne repose pas sur la dictature mondiale impitoyablement émergente, mais seulement sur les personnes qui, dans les mêmes textes, sont engagées pour une résistance absolue. Le peuple donne le pouvoir à la dictature. La dictature n'a pas de pouvoir propre, sauf celui qui lui est donné. On y décrit en détail les événements de notre époque. L'industrie pharmaceutique veut donner un karagma à toute l'humanité, et en allemand, cela signifie, je vais maintenant interpréter brièvement le texte grec. Karagma a trois significations. La première est celle d'une piqûre dans la peau au moyen d'un objet métallique. Le deuxième sens signifie une sorte de tampon avec lequel quelque chose est implanté ou brûlé dans la peau. La troisième signification signifie un élément d'identification caractéristique qui est inséré dans la peau sous la forme d'une structure. En d'autres termes, il y a 2000 ans, la langue grecque décrivait déjà en détail ce que voulait faire une science et une politique dégénérée avec toute l'humanité et les moyens qu'ils voudraient utiliser pour y parvenir. Mais aussi vrai que ces prophéties ne sont pas formulées sous forme de réalisation, mais sous forme de simples souhaits. Aussi vrai maintenant, toute l'humanité doit s'orienter vers l'avertissement de Dieu depuis 2000 ans et ne doit pas se plier à ce souhait diabolique. Et ce que je dis maintenant est très important. Le volitif grec, c'est-à-dire la forme de possibilité en langue grecque, a un sens légèrement différent de celui de l'allemand. En allemand, une formule de souhait est une formule de souhait. Elle reste un souhait. En grec, un volitif, une forme de souhait ou une forme de possibilité signifie quelque chose de plus profond. Cela signifie que cela va certainement se produire si on ne fait rien pour y remédier. Donc, s'il y a là un volitif, cela signifie que c'est seulement si nous faisons activement quelque chose contre, que ça ne se produira pas ainsi. C'est la condition pour que ce volitif se dissolve. Si nous ne faisons rien, cela se réalisera certainement. C'est ce que dit le volitif grec. Mais je suis fermement convaincu que le volitif dans les textes cités, qui a été déformé pendant 2000 ans, s'affirmera comme la nouvelle conscience, parce qu'il correspond à la réalité à venir et qu'aucune, aussi dure soit-elle, ne peut empêcher le chemin divinement offert par Dieu. Je le répète une fois de plus, les textes originaux grecs ont toujours dit littéralement que l'industrie pharmaceutique va en effet s'emparer du pouvoir mondial pour un court laps de temps et prévoit réellement de dominer tous les peuples par le biais d'implantations sous la peau. Littéralement dit, pour ainsi numéroter, enregistrer, caractériser, etc. Mais comme je l'ai dit, l'industrie pharmaceutique ne fait que vouloir cela. Il n'est pas écrit que finalement elle réussira à sanctionner, exclure économiquement et finalement tuer tous ceux qui pensent différemment, à savoir tous ceux qui auront refusé son signe par piqûre, littéralement karagma. Ainsi, ni la chrétienté, ni aucun autre penseur alternatif n'ont donc jamais été condamnés en quelque sorte prophétiquement à la mort par un martyr inévitable, comme le déclarent depuis la chair les orateurs de tous horizons depuis 2000 ans. Mais les textes originaux appellent réellement l'humanité tourmentée par l'industrie pharmaceutique à préférer le martyr au suivi de leur programme de vaccination et de puçage. Et pourquoi cela ? Tout simplement parce que les tortures résultant de la soumission aux vaccinations obligatoires, par exemple, ou à l'implantation obligatoire de puces sous ces dictateurs fascistes et autres, seraient bien pires que toute forme de martyr. Mais selon les Saintes Écritures, toute liberté tant désirée doit être saisie au prix d'une résistance absolue. La résistance ultime est donc commandée comme la seule voie viable vers la liberté. Le dépassement de cette domination mondiale prophétisée, qui est sur le point d'éclater à notre époque, doit se faire sur la voie d'un processus de restauration dirigé de manière ontique. En d'autres termes, une résistance mondiale va être créée de manière humainement incompréhensible et incontrôlable. Ce qui veut dire que le refus total d'obéir, comme le demande la Bible, conduit à l'activation de cette force originale divine qui attend depuis 2000 ans de prendre forme pour nous, en nous et à travers nous. Il est écrit que cette force ontique prend effet à la manière d'une matrice à travers tous ceux qui résistent, jusqu'à ce qu'à travers cette synergie, tout soit de nouveau ordonné, jusqu'à ce que l'humanité maltraitée se sache de nouveau protégée avec amour et entre dans une joie de vivre jamais vécue. Voilà, Monsieur Ria de Dreizeit, Kulturzeit. C'est tout. Vous m'avez écrit qu'une société ne vit que si elle est à l'écoute de l'autre, en espérant que vous le ferez vous-même et que vous transmettrez ce que vous venez d'entendre à une large partie de la société. Je vous bénis de tout cœur. Je suis Ivo Sasek, qui se tient devant Dieu depuis 43 ans. Je suis Ivo Sasek, qui se tient devant Dieu depuis 43 ans.